Juste parce que c'est moi qui ai chanté. J'suis un star de rock. J'suis une star de rock. Comme Steffi Choc. Sauf que j'suis pas encore connu. Fait que j'joue juste dans des bars de cul. J'suis tout seul à faire ma vedette pendant que le ben haït la bête. J'suis une star de rock. J'ai une crise de grosse tête enflée juste parce que c'est moi qui ai chanté. J'suis une star de rock. J'suis tout seul à faire ma vedette pendant que le ben haït la bête. J'suis une star de rock. J'ai une crise de grosse tête enflée juste parce que c'est moi qui ai chanté. J'suis une star. J'attends d'être tout seul à faire ma vedette pendant que le ben haït la bête. J'suis une star de rock. J'ai une crise de grosse tête enflée juste parce que c'est moi qui ai chanté. J'suis une star de rock. J'travaille, j'attends d'être une star de rock. J'arrête la drogue pour être une star de rock. Fais de l'eau avec une star de rock. Oh, yeah.